Chapitre 3e, la première panne. L'ingénieur avait allumé une lampe, vulgairement alimentée de pétrole, mais munie d'un puissant réflecteur et disposée de telle sorte qu'elle éclairait la boussole et tous les autres instruments indicateurs. Grâce à cette clarté, on pouvait même nettement lire une carte disposée sur les genoux de l'observateur. Mais de carte, il n'en était pas besoin, du moins pour l'instant. La boussole suffisait. Une erreur de 1 ou 2 degrés en direction n'avait en effet qu'une importance relative, puisque de toute façon, on était sûr de ne pas manquer le continent américain en allant vers l'ouest. Les premiers instants passés dans l'obscurité furent pénibles. Seul avec cette lumière projetée par le réflecteur et qui faisait paraître plus noir encore l'ombre ambiante, les deux hommes avaient l'impression de ne plus avancer et de planer immobile dans la nuit, suspendu entre le ciel et l'océan. Dans cette immensité obscure, la conscience de leur faiblesse les écrasait d'une sensation d'impuissance. C'était l'angoisse de l'infini et de l'inconnu, quelque chose de tout-puissant et d'indéfinissable, qui, à un instant, fit vaciller leurs âmes sous le souffle tragique de l'effroi. Mais tous deux secouèrent bientôt cette sensation déprimante. « Bon, » dit l'ingénieur. « Et puis après ?» cria sans patience, qui, les sourcils froncés, parut vouloir se faire une scène à lui-même. Et ils se regardèrent à la lueur de leur fanal, confiants et déjà tranquillisés. « Je propose qu'on mange, » continua l'ingénieur. « Et qu'on boive, » ajouta sans patience. Avec précaution, l'ingénieur atteignit dans la malle d'osier où étaient renfermées les provisions une boîte de sardines qu'accompagnait du pain, un morceau de veau froid et du saucisson. Ces comestibles démocratiques furent mangés sur le pouce avec beaucoup d'appétit. Sans patience était le plus gêné, car il ne pouvait guère quitter son volant que d'une main. Mais son ami lui taillait les bouchées de sorte qu'il n'y perdait guère. Ce repas froid fut arrosé de 2 verres de vieux Bordeaux. Ensuite de quoi, les deux hommes humèrent quelques goûts de vieux rhum et allumèrent, l'ingénieur un cigare et sans patience une pipe. « Ma foi, » déclara alors celui-ci, « n'était-ce cette obscurité, je ne me plaindrais pas trop. Vraiment, jusqu'à présent, ça marche, si j'ose dire, comme sur des roulettes. » « Le fait est, » dit à son tour l'ingénieur, « que nous n'avons pas à nous plaindre. » « Voilà exactement 6 heures que nous sommes en route, j'entends depuis notre départ de Quimper, et nous devons avoir fait près de 800 kilomètres, encore 6 fois autant, et nous ne serons pas loin de New York. » Comme il parlait ainsi, et sans cause apparente, le moteur ralentit. Le tournoiement de l'hélice devint de moins en moins rapide, puis s'arrêta tout à fait, c'était la panne. Avec beaucoup de sang-froid, l'ingénieur se pencha, et prenant le volant des mains de sans patience, fit légèrement piquer du nez à l'appareil pour préparer la descente en vol plané. Déjà, l'aéroplane descendait, on ne voyait pas où, on ne savait pas de quelle hauteur. Et cette descente inopinée dans les ténèbres, en plein océan, avait quelque chose d'angoissant. Enfin, après 1 minute qui leur sembla 1 siècle, les aviateurs virent sous eux une sombre surface miroitante, puis presque aussitôt, ressentir un léger choc accompagné d'un rejaillissement liquide autour d'eux. Soutenu par ses flotteurs, l'aéroplane se mit à danser doucement sur la houle, comme un frêle navire ancré dans la nuit au milieu de l'immensité. Tout de suite, sans patience, regarda alors l'ingénieur. Instinctivement, il sentait ce caractère supérieur au sien, sinon par l'énergie, du moins, par le sang-froid et la présence d'esprit. Et à la clarté du réflecteur, il vit sur le visage de son ami un calme qui le rassura. « Eh bien » interrogea-t-il. « C'est la panne, » répondit simplement l'ingénieur. « Ça peut ne pas être grand-chose comme ça peut être grave. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous allons être obligés d'attendre jusqu'à demain matin avant d'y voir clair. Résultat, 12 heures de perdu. Alors nous ne pouvons rien faire avant demain matin. Rien. Pour ausculter un moteur, il faut y voir. De sorte que nous allons être obligés de rester là, toute la nuit. La perspective manque de charme. Que voulez-vous que j'y fasse? Le meilleur est d'en prendre son parti et de profiter de l'occasion pour prendre des forces en dormant. En dormant? S'écria sans patience. Et pourquoi pas? Mais ne sommes-nous pas sur la route des transatlantiques? À peu près. Songez alors que d'un moment à l'autre, ne pouvons être abordés et culbutés par un de ces mastodontes. Comme nous n'y pouvons rien, puisque nous n'avons aucun moyen de nous mouvoir, même sur l'eau, il vaut mieux n'y pas penser. Pour ma part, je sens que j'ai sommeil et je vais dormir. » Sans patience, rendu furibond par ce flegme, vit l'ingénieur disposer ses fourrures avec soin et appuyer la tête sur son siège un homme qui se propose de tirer le meilleur parti possible d'un siège d'aéroplane en guise de couche. Pendant 5 minutes, l'irritable ver du noix se répandit en imprécations et en trépignements. Quand, épuisé, il se calma, il fut stupéfait en constatant que l'ingénieur dormait déjà. Après s'être fait intérieurement des reproches véhéments, suivant son habitude après chacun de ses emportements, sans patience essayait d'imiter cet exemple. Lui aussi se fit de ses fourrures un abri contre le froid assez vif de la nuit, ainsi qu'un confortable oreiller, mais il ne put dormir. Il eut conscience d'être resté des heures ainsi, balancé par la houle légère, en écoutant le flot clapoter doucement contre les flotteurs. Depuis que l'ingénieur dormait, il se sentait comme seul, perdu, naufragé de l'air, au milieu de l'immense solitude obscure. Malgré lui, une inquiétude profonde le tenaillait. N'avait-il pas eu tort de tenter cette audacieuse traversée, et surtout d'entraîner un compagnon dans la téméraire aventure? Il ne voyait devant lui que la frêle clarté du réflecteur et au-dessus de sa tête, la lumière sereine des étoiles. Il ne faisait pas de vent. Le froid piquait. Il entendait à côté de lui la respiration égale de l'ingénieur. Et remuant des pensées angoissées, longtemps sans patience resta éveillé, se penchant quelquefois au-dessus de l'eau qu'il distinguait à peine, et tendant l'oreille pour écouter s'il n'entendait pas au loin le mugissement d'un de ces grands navires qui passent dans la nuit comme la foudre. Puis il finit par s'endormir d'un sommeil agité et peuplé de cauchemars.